Merci d'être à l'écoute de la radio Isanganiro. Bienvenue chers auditeurs et auditrices. C'est Seloma du journal en français dont voici les titres. L'insuffisance d'énergie freine la croissance de la production pour l'exportation au Burundi. Défi soulevé par les participants lors d'une journée de réflexion sur les défis pour les exportations. Et le projet de loi régissant la presse au Burundi, approuvé récemment par l'Assemblée nationale, apportera en léger muet, selon certains représentants des médias. Vous les entendrez. Et toute nouvelle station d'eau de pilpage et lavage du café est interdit de collecter et traiter le café cerise avant l'obtention du certificat. Une recommandation du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage ce mercredi. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation. François Kimana assure la mise en onde. Et encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'insuffisance d'énergie freine la croissance de la production pour l'exportation au Burundi, d'où le manque des rentrées en devise au pays. Ce défi a été présenté par ceux qui ont représenté les industries exportatrices lors d'une journée de réflexion organisée ce mardi sur les défis pour les exportations des produits burundais. Olivier Suguru, président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, assure que ces doléances sont déjà connues des autorités habilitées. Les importateurs congolais, quant à eux, ont soulevé les difficultés liées au taux de change au Burundi. Un reportage est signé Omer Ndouaye. Lors de ces assises, ceux qui ont représenté les entreprises qui ont une capacité d'exporter leurs produits, en l'occurrence Catherine Nebuchumi de la Brarudi, s'indignent du manque de devises pour s'approvisionner en matières premières nécessaires. Ici, les participants ont plaidé pour la mise en place d'un fonds d'appui à l'exportation. D'un autre côté, les entreprises consommatrices de beaucoup d'énergie, comme Fabrimetal, se lamentent de l'insuffisance du courant électrique. Olivier Suguru, président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, tranquillise. Le manque d'énergie en quantité et en qualité, c'est une réalité dans notre pays, mais on est en train de discuter avec le ministère de l'énergie et des mines, ainsi que la direction générale de la Régie des eaux, pour que on puisse regarder ensemble ce qu'ils ont promis, qu'il y aura une amélioration. Ils nous ont donné le programme avec le mois de mai. Alors aujourd'hui, c'est sûr que cette question est revenue sur la table de discussion et nous allons encore une fois faire une séance de travail ensemble avec cette institution et voir ensemble comment est-ce que nous pouvons relever ce défi en rapport avec l'énergie, puisque comme vous le savez, le poumon pour l'industrialisation, c'est l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas produire et sans la production, on ne peut pas exporter pour gagner des devises. Les importateurs provenant de la République démocratique du Congo dénoncent les difficultés lors d'échanges de devises en monnaie burundaise. Aujourd'hui, vous avez largué les petits messieurs. Bon, moi je les appelle les petits messieurs parce qu'on voit leur taille, mais quand vous allez avec les devises, ils vous surprennent. Les gens qui font l'imicash et éco-cash. Imaginez chez nous au Congo, nous changeons à 5700, 5600. Hier, en venant, nous avons changé à 5400. Maintenant, imaginez à un petit monsieur comme ce que nous voyons ici en ville, vous allez avec 4 000 $, il vous donne le franc bout. Où est-ce qu'il trouve ce franc bout? Mais quand nous arrivons au Burundi pour exercer nos activités, vous nous demandez les bordereaux d'échange en banque avec un taux au rabais à la moitié de ce que nous échangeons aux petits messieurs, je ne sais pas, au marché noir. Ça, c'est ce que vous devez revoir pour nous faciliter. Comme réponse, la Banque centrale a levé toutes les restrictions qui se trouvaient sur le marché, répond Georges Nhangorane, directeur des études économiques, la statistique et la coopération à la BRB. La Banque centrale, la BRB, a engagé des réformes de la politique de change. L'objectif de ces réformes, c'est de stimuler l'entrée des devises dans le pays, promouvoir la compétitivité des entreprises burundaises et assurer la stabilité macroéconomique. Jusque-là, il y a des mesures qui ont été prises. La plus récente, au niveau du marché de change, le 28 décembre 2023, la BRB a dicté une nouvelle réglementation de change, dont la grande finalité et de lever toutes les restrictions qui se trouvaient sur le marché. Cette journée d'échange sur les défis de l'exportation des produits burundais, financée par Trademark Burundi, a vu la participation des entreprises exportatrices du Burundi et celles de la RDC qui s'approvisionnent au Burundi. Merci à Omer Ndouaye, page agriculture. Il est strictement interdit à toute nouvelle station de dépulpage et lavage du café nouvellement construit ou en cours de construction de collecter, de traiter le café Cerise avant l'obtention du certificat de conformité des installations. Les usines de départage devront produire un rapport à envoyer à l'Office de développement du café ODK sur les quantités réceptionnées à l'Office tout en précisant les propriétaires. Ce sont là quelques-unes des recommandations du ministère chargé et du ministre chargé de l'agriculture ce mercredi à l'endroit de la nouvelle équipe dirigeante de cet office lors de la remise et reprise. Le ministre Prosper Dodico a indiqué que les séries de mesures prises pour que le rapport quantité-qualité-prix soit de nouveau une priorité. Suivez le ministre Dodico Prosper. C'est les stations et centres de transit qui ont été approuvés par la commission de suivi de la campagne café et par l'équipe de suivi de la présidence de la République du Burundi sont autorisés à collecter le café auprès des caféiculteurs. Tout autre acteur ne figurant pas sur la liste qui sera attrapé en train de collecter le café sera considéré comme fraudeur et sanctionné conséquemment. La liste de ces stations et ces centres de collecte est affichée au cabinet du Minéagri à Gitega et au bureau de liaison du ministère à Bujumbura, sans oublier bien sûr au bureau administratif de l'ODECA à Bujumbura. Les stations de lavage et centres de transit doivent être agréées et les stations de lavage devront présenter les documents suivants à l'ODK et cela avant le 17 mai 2024. Le certificat d'immatriculation, les statuts, le numéro d'identification fiscale, adresse des bureaux et coordonnées téléphoniques, pièces d'identité des responsables des sociétés et des coordonnées téléphoniques, pièces d'identité des responsables des centres de transit, acte d'engagement de payer au café critère la totalité du prix fixé par le gouvernement, attestation de non-redevabilité aux impôts et taxes et enfin la quantité du café cerise déjà collectée pendant la campagne 2024-2025. L'ODK doit confirmer par écrit chaque propriétaire d'usine de départage et conditionnement chaque fois qu'il y a confirmation de vente par paiement effectif pour marquage sur l'euro. Les propriétaires des centres de transit supporteront les frais de transit de leur café aux stations de lavage. Tout écart de poids et de rendement de la cerise apporté et à la charge du dépulpeur et toute tricherie sera considérée et sanctionnée comme une fraude. Les autorités administratives locales doivent veiller à ce que le café cerise ne franchisse pas la circonscription communale lorsque le périmètre de provenance est pourvu de stations de lavage. L'ODK et les autres responsables des usines de départage sont invités à fournir en déjà une semaine l'état des stocks de café vers des campagnes antérieures en précisant les stocks invendus et ceux déjà vendus avec mention de l'acheteur ainsi que la destination. La circulation du café n'est autorisée qu'entre 6h du matin et 18h du soir. Quiconque sera surpris transportant le café en dehors de 16h sera considéré comme fraudeur et sanctionné conformément à la loi. Nous voudrions rappeler que la lutte contre la fraude du café vers les pays voisins est l'œuvre de tout un chacun. Raison pour laquelle nous lançons un appel vibrant à l'administration, aux forces de l'ordre et à la population en général de rester vigilant pour que le café ne soit pas fraudé vers les pays limitrophes, particulièrement pendant la période de collecte du café cerise, de transfert du café parche vers les usines de départage et de conditionnement. Le ministre chargé de l'agriculture, Dodico Prosper. Ces recommandations sortent au moment où, en date du 3 mai de cette année, le président burundais a tenu une réunion en province Ngozi, au cours de laquelle il a été constaté que le Burundi perd des millions de dollars que devrait générer le secteur café. En 2014, le Burundi a été premier par rapport à la qualité de son café et la production annuelle est aujourd'hui de 8 000 tonnes, alors qu'elle était de 50 000 tonnes il y a quelques années, a précisé le ministre Prosper Dodico. Beaucoup d'employés burundais semblent ignorer la loi portant protection sociale après une étude faite par l'Institut national de sécurité sociale lors du lancement d'un atelier à l'endroit des magistrats en matière de protection sociale dans les régimes de sécurité sociale gérés par l'INSS. Le directeur général de l'INSS a fait savoir que parmi les sanctions aux employeurs qui font la sourde oreille, les sociétés de gardiennage de leurs comptes bancaires. Ce sont les propos du général-major Emmanuel Miburo. Vous saurez que sur un peu plus de 14 000 employés recensés au niveau national jusqu'à la fin de l'année 2022, un peu plus de 1300 sont affiliés à l'INSS, soit 9,5% seulement. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le journal continue. Le projet de loi régissant la presse au Burundi, tel qu'approuvé récemment par l'Assemblée nationale du Burundi, semble porter un léger mieux en matière de sanctions infligées aux journalistes et en commis des délits de presse. Selon Jean-Claude Kavumbagou, directeur de l'agence de presse en ligne NetPresse, certains des délits de presse seront sanctionnés par des amendes au lieu de l'emprisonnement. Mais il déplore que ce même projet de loi stipule que d'autres délits seront sanctionnés conformément au code pénal. Pour lui, cela montre que le journaliste est toujours dans le viseur de la loi pénale et suivie. De prime abord, on voit qu'il y a une avancée. Parce que les journalistes ont commencé à demander une dépénalisation des délits de presse et déjà en 1997 avec la loi sur la presse. Et voilà, 27 ans plus tard, il y a quand même donc cette dépénalisation des délits de presse qui est inscrite dans un texte régissant toute la presse. C'est à ce niveau une avancée, donc s'il faut vraiment le dire ainsi. Mais juste en dessous, il y a donc une disposition qui fait que les autres délits commis par voie de presse sont sanctionnés conformément au code pénal. Bon, c'est-à-dire le journaliste est une personne dans le cadre de notre pays qui est poursuivie par deux lois en même temps. C'est-à-dire la loi sur la presse et la loi du code de procédure pénale. Donc le journaliste, pour le moment, on dirait que dans les textes, il y a avancé, mais dans la pratique, il est toujours poursuivi aussi bien par l'amende que par la prison. Il y a des dispositions donc, de la loi qui ont une connotation politique. C'est notamment l'atteinte à la sûreté, à l'intégrité nationale du territoire. Donc c'est le cas des journalistes d'ailleurs qui sont emprisonnés, sont au nombre de trois, je vous dis. Donc ce n'est pas évident. Disons que nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui a déjà indiqué qu'il n'y a jamais sans les médias, donc qui connaît pratiquement l'importance de la presse. J'aurais aimé que quand même il y ait donc une certaine harmonisation de la loi sur la presse et du code de procédure pénale en matière de sanctions des journalistes. Parce que s'il n'y a pas harmonisation, le journaliste restera coincé. Et pour le directeur de la radio-télévision, Rema FM, l'exercice du journalisme burundais est en train de connaître une avancée significative vu que la dépénalisation commence à apparaître dans la loi régissant la presse. Claude Ngurunziza demande à cet effet qu'après sa promulgation, cette loi soit portée à la connaissance de tout l'appareil judiciaire pour que le journaliste exerce librement son métier. Suivez Claude Ngurunziza. Je sais que c'est une révision d'une loi. On va quand même de l'avant. Je salue d'ailleurs l'esprit qui a guidé le gouvernement ou le législateur. Pour moi, en ce qui concerne la dépénalisation des délits de presse, comme la diffamation ou même l'injure, soit réparée par des amendes en monnaie au lieu que des gens aillent en prison pour des choses qui ne devraient pas d'ailleurs faire partie de délits, en quelque sorte, dans une société démocratique. Peut-être qu'il y a les gens qui ne savent pas. Vous voyez, il y a des trucs comme même des presses à scandale, des fois où des gens peuvent se croire qu'ils ont été lésés, diffamés, alors que c'est pas vrai. Je sais que la diffamation, par exemple, peut se faire par une phrase interrogative et déclarative, mais le fait que le gouvernement ait cet esprit de pouvoir dépénaliser ces délits, c'est en quelque sorte une très belle avancer. D'un autre côté, en tant que journaliste, en tant que média, nous ne sommes pas immunisés contre des poursuites pénales. Avant d'être journaliste, on est débondé et on voudrait qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité partout. Il y a un message à l'endroit de cet appareil judiciaire qui appliquera cette loi. Le plus important est de savoir le contenu de cette loi, parce qu'il y a des gens, j'ai déjà constaté, qui ne connaissent pas bien le contenu de cette loi et qui ne savent pas comment l'appliquer en certains moments. Donc déjà, il faut qu'il y ait cette vulgarisation, car elle sera déjà adoptée, approuvée, même décrétée. Il faut qu'il y ait une certaine vulgarisation et que même les gens qui sont censés la mettre en application puissent la connaître. À la source, reportage. Je vous le disais, toujours dans le domaine de la communication, le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé que Sandra Mohoza, journaliste de la Nova Burundi, reste en détention préventive après sa comparution en date du 6 mai cette année. Mohoza est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Il est poursuivi pour des infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril de cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Le journaliste Kenny Claude Nduimana a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza, détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024 et pour cause son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté pour l'audience. À la source, reportage. La société sucrière de Mosso, sous son en sigle, n'est pas au bord de la faillite comme certains le pensaient. C'est du moins ce que déclare l'administrateur directeur général de cette société. Au cours d'une conférence de presse de ce mardi, dans les enceintes de la Sosumo, le général-major Aloïs Ndai Kengurukié n'a pas nié qu'une partie des plantations de canne à sucre a été victime des aléas climatiques que le pays a connus au mois de décembre l'année dernière. Il tranquillise néanmoins que la situation s'est normalisée et que les préparatifs de la prochaine campagne vont bon trait. La radio Isanganiro a dépêché à Guéofi, Evariste Ndiko Banyanga. Voici son reportage. Il y a eu des inondations partout dans le pays. Même ici, dans la Sosumo, nous avons subi des effets pervers de ce changement climatique. Nous sommes dans les plantations de canne à sucre de la société sucrière du Mosso, dont les activités de campagne de la saison 2023 ont été perturbées par les inondations causées par les rivières Muyovozi, Mutsindozi et Maragarazi suite au changement climatique, explique le directeur agronomique de cette société. Malgré cela, la situation est devenue normale et Sosumo est prêt à lancer la campagne 2024 car les cannes à sucre sont matures, selon Jean-Claude Noiri. Maintenant, la production est bonne. Nous avons une superficie de 3 337 hectares de plantations de canne à sucre qui sont matures et nous envisageons de récolter plus de 270 000 tonnes de canne qui seront acheminées à l'usine pour la transformation. Nous sommes prêts parce que, comme je vous l'avais déjà dit, les plantations sont prêtes, les cannes sont matures. Nous avons les pistes qui sont en train d'être réhabilitées pour permettre aux tracteurs qui vont transporter la canne de bien passer. Nous avons aussi les activités d'analyse de maturation des parcelles pour déterminer les parcelles de début de campagne. Donc, nous sommes prêts pour récolter la canne à usine pour la campagne prochaine. Et notre constat est que de l'autre côté de l'usine, la machine est en marche. Des engins de production, de transport de la canne à sucre sont prêts et d'autres sont en cours de réparation. Des techniciens indiens sont aussi sur place pour la réparation de l'usine et la situation est rassurante, selon Juvenal Nzangomba, chef de service entretien et réparation. Ici, au niveau du département technique, les préparatifs sont pour fixe. Nous sommes quasiment 85% de préparatifs. Les 15% qui restent sont liés au niveau des approvisionnements qui ne sont pas encore arrivés. Alors, nous attendons impatiemment l'arrivée de ces produits. Sinon, nous sommes prêts pour commencer la campagne au mois de juin. Ceux qui disent que la société Sosumo est au bord de la faillite, comme certaines sociétés étatiques n'ont pas d'informations fiables, explique le directeur général de cette usine. Je voudrais par contre tranquilliser la population burundaise et tous ceux qui nous écoutent que l'entreprise n'est pas au bord de la faillite. Il est vrai, on a eu des problèmes pendant cette campagne qui ont fait à ce qu'on arrête la campagne. La cause principale, vous la connaissez, c'était les pluies diluviennes qui ont fait que le mouvement des machines, des tracteurs ne soit pas possible. Mais cela ne signifie pas que l'entreprise est tombée en faillite. Mensuellement, les travailleurs touchent leur salaire, il n'y a pas de problème. L'entreprise paye les taxes à l'État comme à l'accoutumée, donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. La société sucrière du Mosso a cependant la capacité très limitée de pouvoir transformer toute sa production annuelle cette année. Elle a une plantation qui s'étend sur 3880 hectares alors qu'elle n'a que la capacité de transformer 70% de cette production. Raison pour laquelle la direction générale de la Sosumo est en pourparler avec la société ougandaise Sarai Group pour relever ce défi. Parle, rassure-moi. Le deux poids, deux mesures peut être une source de tension dans les communautés, comme le reconnaît un expert en leadership, Fabien Sengimana, par des plaintes exprimées par des habitants de la colline Mirama, commune et province Gitega, sur la distribution inéquitable des ressources, notamment le sucre. Il dit qu'il faut plutôt bien partager et gérer les ressources dans la transparence. Cette chronique est par les rassure-moi et signée Ornella Mucho. Mbisanzwe sukari ibonetse ntidukwira nibyo menya kwiboneka mbona abandi bagiye kuyito igituma niduga nk'uko numva abandi ku mutumba. Il y a plusieurs indicateurs du partage non équitable des produits de première nécessité comme le sucre. L'expert en leadership Fabien Sengimana parle de la pratique deux poids deux mesures, ce qui est affirmé par des habitants de la colline Mirama en commune et province Gitega qui se plaignent que certains sont plus favorisés par rapport à d'autres dans la distribution du sucre. S'ils pouvaient nous l'informer comme il le faut lors des travaux communautaires en utilisant des micros et des communiqués, nous serions au courant que tel jour, telle date, il y aura distribution du sucre et comme ça même, avec la petite quantité, tout le monde pourra être servi en partage équitable. Sinon, c'est injuste que certains aient 3 kilos au moment où d'autres n'ont rien. Il y a des lamentations comme quoi je suis favorisé, que j'ai pu acheter le sucre parce que peut-être j'aurai des affinités avec les distributeurs. Il pourrait y avoir des tensions entre ceux qui ont bénéficié et d'autres qui sont insatisfaits, et cela pourrait attiser la haine. Le conseiller chargé des questions politiques et administratives en commune et province Gitega, Vincent Rekidimana, indique qu'il a déjà soumis cette question aux concernés pour pallier ce problème. Ceux qui disent qu'il y a des gens favorisés, je pense que c'est faux, car la distribution du sucre se fait dans la transparence. Peut-être il y a des familles non servies suite à une quantité suffisante. Sinon, ça se fait en toute transparence. Pour que tous puissent en bénéficier, on a déjà demandé à nos supérieurs d'augmenter la quantité du sucre distribué. Notre souhait est que tout le monde puisse être servi. Expert en leadership Fabien Sengimana revient sur la pratique de deux poids deux mesures pouvant générer des tensions. Il interpelle les concernés de bien marier le leadership et la gouvernance par l'encadrement de leur travail. Si ces besoins primaires, ces besoins physiologiques ne sont pas bien gérés, ça va créer des situations difficiles à vivre. Parce que pour les bénéficiaires qui sont blessés, dont l'amour propre est blessé, qui sont insatisfaits, qui sont déçus, qui ne bénéficient pas de ce produit, ça va créer un peu d'amertume. Et ça va monter ces personnes contre l'autorité parce qu'il se sera mal comporté. Cet expert souligne que lorsque les difficultés de communication perdurent, peuvent déboucher sur un conflit. Merci à Ornella Mucho, auditeur auditrice de la radio Isanganiro. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Et merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.